de faire ta timi timi. Cesse de rendre tes yeux livides, livides. Nous connaissons bien ton jeu, j'avoue qu'il me charme un peu. Nous savons qu'Oli, il n'y a pas plus sauvage que toi Thierry. Nous savons qu'Oli, il n'y a pas plus sauvage que toi Thierry. Réservé, joli et joli. Arrête de faire ta timide, timide. Cesse de rendre tes yeux livides, livides. Nous connaissons bien ton jeu, j'avoue qu'il me charme un peu. Nous savons qu'Oli, il n'y a pas plus sauvage que toi Kelly. Nous savons qu'Oli, il n'y a pas plus sauvage que toi Kelly. Réservé, joli et joli.